Yeah. Shush. Drip. Drip, drip. Let's go. Mucho. Elle aime quand c'est brossant, elle aime les mauvais garçons, là je suis dans la zone, je fais des loges, j'en fais attention, rien à foutre des règles, je fais ce que je veux, me fais pas la son. Elle aime quand c'est brossant, elle aime les mauvais garçons, là je suis dans la zone, je fais des loges, j'en fais attention, rien à foutre des règles, je fais ce que je veux, me fais pas la son. Oui, elle veut money, oui, talent, oui, benzo, diamant. Louis, Gucci, Louis, moi j'ai su l'intérêt, je réduis le club en pièce, arc-en-ciel en espèce, pardonne-moi si je pêche, AMG, je fais des créneaux, le business nous le créons, si la police se présente, je donnerai aucun prénom, les messieurs sont détranchés, me sens chaud prêt pour se venger, je prends l'air, je suis dans l'avion, mon ami, moi je m'en bats les couilles, appelle-moi pour faire de la moule, je répète, moi je m'en bats les couilles, appelle-moi pour faire de la moule, on passe pas par les réseaux, s'il y a problème, on se donne rendez-vous, là. Les jaloux me regardent, ça m'est égal, tant que je la régale, elle aime quand c'est brossant, elle aime les mauvais garçons, là je suis dans la zone, je fais des loges, j'en fais attention, rien à foutre des règles, je fais ce que je veux, me fais pas la son. Elle aime quand c'est brossant, elle aime les mauvais garçons, là je suis dans la zone, je fais des loges, j'en fais attention, rien à foutre des règles, je fais ce que je veux, me fais pas la son. Allô, allô, tu m'as vu dans la tête, bah oui. Tu m'as vu dans la presse. Moi je fais partie des bêtes, c'est nous. Personne n'arrête la bête. Sur moi toujours une quiche, ta vu ces gens je les kiffe pas. Appelle-moi ce qu'est c'est qui ça. Bâtard je coûte plus cher que mes habits. MJ c'est pour la vie. Je réponds c'est pour la nuit. Mauvais garçon, bah oui. T'es pas content, je te salue. Le temps c'est de la money. C'est ce que m'a dit ma broly. Rien à foutre qu'on valide. Poto là je suis alpe tellement sale qu'il me trouve impoli. Le miroir me dit petit charismatique aux alus. Tu veux boucher la guerre comme dans les rues de Tripoli. Pas si c'est la folie. Pas si c'est la folie. Elle aime quand c'est brossant. Elle aime les mauvais garçons, là je suis dans la zone, je fais des loges, j'en fais attention. Rien à foutre des règles, je fais ce que je veux, me fais pas la son. Elle aime quand c'est brossant, elle aime les mauvais garçons. Là je suis dans la zone, je fais des loges, j'en fais attention. Rien à foutre des règles, je fais ce que je veux, me fais pas la son. Sheesh. Drip drip, big thing, yeah no. Ah, j'avais trop envie de faire ça. Trust me daddy. Attends. Trust me daddy. Bitch. Sheesh.